Tililo, Fali Poupa, Aigle Suprême, Yé Tililo, Asalaka, va contre Bélé. Ok. Nous avons Oyo Beta Liboso dans le studio. Original. Voilà. Avec original. Original. Participation à Yoko Beto Beta Kiwana. Idée. Et ça, là, il y a Yomoko Kreyaki. Et ça, là, qui. Idée, il y a fallu mon corps à émission qui est bêta beau, et ça la main. Notre travail a déjà, tu vois, travailler, tu répéter, tu travailler, tout ça, bani. Si tant tu travailles en répétition, on crée partition. Canne à sucre, ah, ok. Canne à sucre. Et ça, patron, il y a mon compte à prendre. Je me disais, Oyo, mon temps, on peut être guitariste, et ça, guitariste, Oyo. Ou bien, ouais, des fois, il y a mon compte à prendre. Des fois, puis tout ça, la wana, bisounion, ça. C'est au cas où ça, on a une bonne mélodie. Ok. Ou bien, tiens. Sandrine Monchigo. Et puis, nous avons mis sur photo les rois. Ok, ok. Donc, trois chemins depuis Ibanda, trois chemins. Si les lots, va contrer à Kaka. Je fais appel à votre sagesse. La sagesse bantou. La situation est plus grave que vous n'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Il est en train de préparer sa tournée américaine. Lui, c'est un artiste de mon pays, il s'appelle Fally Ipupa du Cap La Merveille. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et qu'on dépend dans Ngonga Borota Labisso, partout à travers le monde. Vous nous suivez sur Tout Info, votre chaîne de valeur. Également sur Nouvelle Tendance. Je l'aurai un plaisir. Il y a comme on a que vous avez renouvelé les temps à autre. Confiance, Nabino, Namoussala, Toussala. Notre numéro de téléphone est affiché. Bah, remarque, on a bah, suggestion. Tandis que pendant que Bamoussou, Babo, Yarayango, je suis aussi Ngarabino parce que ils allaient vraiment compléter et puis que ça la sorte plutôt améliorer. Moussala, Toussala. Fally Ipupa, Azan a plus de 10 dates où il faut livrer un grand concert aux États-Unis d'Amérique, dans différents États. Et avant cela, il avait donné un devoir à tous les Warriors de trouver un endroit où il a coupé sa bango concert de revoir avant que Azwa vole avec son groupe pour l'Amérique, pour les États-Unis d'Amérique. Et maintenant, là, après. De voir au Warrior Bazwaki, il y a une vidéo que l'artiste vient de faire pour nous préciser que et ça a deux possibilités et ça a des endroits où ils allaient maintenant voter Nabatou entre Palais du Peuple et Sikawapi, Assemblée nationale et Zalaka, et puis Ndolo, aéroport Yandolo. Ce sont les deux endroits où l'artiste Akobeta, parmi ces deux endroits, endroit Moko, artiste Akobeta, concert de revoir avant que Azwa Bazwa vole. Na équipe Naïmo Bimba va se rendre pour les États-Unis d'Amérique. Lui, c'est un maestro. Aujourd'hui, la définition, il y a musicien et comme il y a un peu différent. On parle d'un musicien, c'est-à-dire Oyo, Azali Kobeta, instrument. Mouto Ayemba Wabin Araye, chanteur. Oya Bina Wabin Araye, danseur. Oya Beta Wabin Araye, musicien. Nous allons recevoir un musicien. Lui, c'est un maestro. Il a fait. Vraiment, c'est un ancien. Il y a Kati, il y a effectivement la Kati, il y a groupe d'accompagnement de Fally Ipupa. Je lui ai connu longtemps, Kala Tongo. aujourd'hui, il a répondu à notre invitation. Lui, c'est Fridolin Boliti qui a répondu à notre invitation. C'est le maestro. Et vous allez découvrir tout au long de notre mission qu'est-ce qu'il fait dans Katia Group. Il a déjà fait quoi dans Katia Group et qu'est-ce qu'il envisage faire. Et avant, comment a fallu pour pas où il était. Merci beaucoup pour la confiance, Nabino. Si vous allez aimer cette émission, n'hésitez pas à dire un grand merci à Papa Titan la star, aussi à Jordan Panzou qui est en train d'observer. Merci beaucoup à notre invité Fridolin Boliti qui est déjà avec nous sur notre plateau. Maestro Fridolin, bonjour. Bonjour Dona Kondé. Bonne santé. Santé Pepele et bonjour Naba Warrior Nyonso, Naba Mouré à Bonne Musique, Bazui Ngolou, grâce à Hôtel Abyssal et Sous. Donc bonjour Naba Nyonso. Et puis non, saluer notre patron Aigle Suprême qui est mon boss Fali Poupa. Très bien, Fridolin, encore une fois, te remercier pour la disponibilité na yo, na kata plateau na biso. Et je ne sais pas, est-ce que présentation nga on a présenté yo pas wa bola na biso. Et ça yango wana bia isa mou le ki mou laito le ki mou kou, est-ce que peux-tu te présenter peut-être na bato na batala Fridolin te pas na biso. Fridolin qui vous s'est présenté na bato na bola na biso. Ouais, nga yi na za Fridolin, Fridolin Boliti, mon maman Magui, papa Martin et il y a une de quoi belé l'un de d'artistes a évolué dans Pemenia Fali Poupa Aigle Warrior Suprême il y a Warrior Nyonso donc dans un guitariste j'ai fait la guitare rythmique donc voilà quoi bref très bien c'est déjà presque tout dit alors nakati il y a effectivement guitare yo betaka guitare ni parce que tu as solo accompagnement beta guitare ni. Ouais, comme je viens de le dire, donc on a ça la rythmique. Ça la rythmique n'a une victime, mais rien n'empêche à ce que n'a touché la guitare moussous. Mais on a ça guitariste accompagnateur. Guitariste accompagnateur. Ouais. Et voilà. Et ça, et avant que tu aies la 4, il y a ma son abisso et accompagnement et tout. Nous aurons même besoin, il y a comme moi, référence. C'est vraiment obligé pour faire plaisir à tous les warriors ainsi que le mouvement de la bonne musique. Merci, merci beaucoup Fridolin. Ah, na moni mbalama okobo manga pa mama. Service, voilà les titres. Service d'une très belle chanson là, que je le dis personnellement, c'est lui qui est en train de me suivre depuis l'Europe, lui c'est Freddy Chimona. Pourquoi pas aussi penser à mon vieux Paul Venture de Bundes. Alors Fridolin, oui, ça fait déjà combien de temps depuis que vous na Fali? Moi depuis 2008, donc ça fait 16 ans. 16 ans. Ouais. Jour pour jour. Ça fait 16 ans depuis au évolué dans Fali Poupa. Donc Fali Poupa Longwe en 2006. Ouais, droit chemin Bimi en 2006 et puis 2008 Ganaye. Depuis 2008 yoyé. Ouais. Et voilà, mais maintenant ton côté dans ma source avant côté dans quand ta victime. Ouais. Où tu évoluais avant? Bon, avant Nazaki n'a pas coupé na bisoka ba coupe ba coupe na soir gospel comme je dis. Gospel. Donc là, il y a un groupe qui est en Zambie. Il y a un groupe qui est en Gospel. Et puis, il y a un groupe qui est en groupe qui est en président Fiston Le Mama. Mamale. Mamale. Ouais, il y a un groupe qui est en musicien. Et puis, il y a un groupe qui est en président Le Mama. On a un groupe qui est en Bélé. Babi Bas, Babi Kumbukumbu, Wazasi Konati Mwata, Babi, Bassiste. Tout ça, ce qu'on a par Franciama, Yamachine. Oh, c'est pas Fabregas. Non, salué. Ah, ok. Ouais, ouais. Tout ça qui est belé. Ma salle, ma chico, ma salle, ma jirez, Tungila. Oh, ça, ma pagaille, na France, na Paris, l'animation. Donc, tout ça, ma salle, c'est belé, ma Mitterrand, ma salle, c'est belé. Comment peut-on évoluer côté Moussousson? Après, on a dit, n'est-ce qu'on est pas présent au Fombo. Voilà, le fond mon abas. La dette à François. On a dit ce qu'on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, D.A.D.U. dans Oyoaza, directeur artistique Nabino, ouais. Azala qui mission le fond. Ouais, ouais. Et puis. Parce que c'est pas un empire. Il n'y a pas un empire. Il n'y a pas un empire. Il y a un empire. Donc, il y a un empire qui le fond. Ouais, il y a un empire. D.A.D.U. dans les choses qui sont en train de se faire. Il y a un Pichen Papi Kalombo. Papi Kalombo. Il y a Junior Nondo, Junior Ketchup, il tourne à présent. Ah, ouais, ouais, Junior Ketchup. Ketchup. Qui encore? Michel Loufoy. Michel Loufoy Azalabino. Michel Loufoy Azalabino. Michel Loufoy Azalabino. Oh, Michel Loufoy Longwa. Michel Azalabino. Okay. Michel Loufoy. Bimystique. Okay. Bimystique est mon ami. Mais c'est lui qui est tout à l'heure en France. Bimystique. On a vu Laurent Kadogo. On a bateau yoye koukou tana kati orchestre à l'ofumbo. On a bateau NASA na idée que koukou tari bango. Voilà. Donc à partir à Wanandis qu'on a que ça la connaissance na bateau wana bamisusu koukou tana bango na une victime. Ok. Et maintenant au sala qui combien de temps ou bien au bétail combien des albums dans l'ofumbo? Non non. Nous on a bétail qui album t na ou mais la qui peut penser penser. Na ou mais la penser penser. Donc, normalement, ils avaient juste tremplé pour qu'il y ait un coup de bâton. Voilà, tu es comme un abandon, une famille, une victime, une abandon, une victime. Donc, ils avaient carrément tremplé pour qu'il y ait un coup de bâton. Ok. Et alors, après tremplé, on n'a pas, il y a bien habité sur le fond. Maintenant, intégration à Yo. Ou bien recrutement na yo na kata ouais. Victime ça la mande ngini bon na victime ngai pour que na intégrer groupe ezaki dia na biso moto a solliciter qui Ginoliaki Ginoliaki na saluer donc pour ça qu'il y a relation na place pour ça déjà relation et puis là c'était avant même trois chemins Bima. OK c'était avant même trois chemins Bima. Et puis ti tonde da ko sola na bien bon en fait makila na biso tout en aika ndi ba lobara makila tout en aika et y a bazan na bandal nga na mbinza zone mais bandal ba no ça la que deux fois pe tout en biso na zone pour vendi to sola ndi ton trois chemins Bimi a bien non non petit na ngai album mon trois chemins Bimi en tout yo ndi na bio fous album mon travail. OK on travailler c'est bon on travailler tant que guitariste on travaille dans vrai groupe parti aller aussi et aussi là qui c'est que groupe et salama awa pour présent fallait roya et c'est un bas concert tout ça là ngai naïe tu m'as dit sur comment on a formaté parce qu'il y a combien trop pris dans ma cam il y a trois chemins ok wana, na, et trois chemins Bimi oui oui donc tout le monde en a souhaité tout tu vois puis normalement tout le monde en a souhaité et aussi là qui en 2008 tant groupe il y a patron là Eglé Fanny Poupa bakena qui voyage mon en Europe et aussi là que quelques missions basical awa il fallait qu'il bakio bête en Cameroun. OK en Cameroun et ndesiko dia a s'est référé sur la guitariste moi bungai bakena qui noté a bingai donc kende okende pour qu'il ne travaille à tout n'est rien de besoin est-ce que ça va banzer mon trois chemins c'est non on a banzer mon un répertoire quoi. OK parce qu'il y a ça déjà qu'on travaille sur parce qu'il s'en a déjà travaillé et tant que guitariste et tant qu'instrumentiste album moi Bimi en sika travaillé à travailler qui en haut et puis en 2008 c'est tout n'est sur dans même c'est oui dans en haut dit qu'il a travaillé na dit na yé et ba yé a bidé a bingenga et puis Arnaud P Arnaud Matouma ouais Trouma Arnaud Matouma il a dit ça c'était ya yo comme tout d'ailleurs dans bien qui ouais ouais lui c'est un ami c'est un ami de très très très longue date je lui salue vraiment ni Arnaud P tant dit a binga après na mon après oui Arnaud pas binga il suis OK non Arnaud ça là qui déjà Arnaud il était déjà là OK Arnaud je crois à côté 2007 je crois OK si j'ai une bonne mémoire ouais tant qu'on a eu on a tout répété ah ouais dans ma campagne ah papa va dire badiata voilà les naïves on a et au coup bah tu me suis dans le coup t'as na bah waloba si bah Willy Solo bah maître Madova bah junior motu quoi na kuta bena ba tebele. OK. Donc yo kuta ki déjà bah orchestre zalaka. Oui, bah donc groupe zalaka existe déjà. Mais non manke kaka mutu moko, guitariste moko kaka. Donc c'est guitariste en moyo. Eh bah non manke Emmanuel non manke accompagnateur. Bassiste zalaki, soliste zalaki, claviériste, percussionniste, batteur tout ça. De bah instrumentiste union sur zalaki, bah chanteur pedo batnius bazaki, mais guitariste moko non manke. Et maintenant, Siko, avant tout évoluer, ouais. Dans le moment où déjà le baki na yo, au travailler album moi au tobi ma droit chemin, bande moni yo au travailler qui pena ming bande moi au travailler comme un guitariste. On va travailler album mobimba, va travailler album mobimba, ngai na zapena sur qui album mebimi, nanda pena au travailler et surtout que DFC ngai non. Petit n'a pas c'est un coup de pied à l'idée. Ok. Il y a des idées à l'idée. Il y a des idées à l'idée. Il y a des idées à l'idée. Il y a des idées à l'idée. Il y a des idées à l'idée. Il y a des idées à l'idée. Il y a des idées à l'idée. Il y a des idées à l'idée. Il y a des idées à l'idée. Il y a trois chemins au bimba. Voilà. Alors, pour faire plaisir, na ba mélomane bon landa biso moi ma référence. Il y a Banzimbo, il y a droit chemin et ça va bien. Il y a Fouca. Voilà, il y a Fouca. Fouca, Baliputa, voilà. C'est tout. Donc ça qui est déjà riche musicalement sous un Banzimbo. Donc sous un répertoire en trois chemins. Depuis et lui bandeau ça la succès sur la Sirona. Les acquis concert il y a version concert au Rio. Belé na katisko ngai tellement siko na banolinga ko travailler bino trop voilà na zora pena ko rengo yo verso live na koti sango na mutu tala ba break belé na kat kat moza ko bisha ko kangango nyaso na koti sango na biso dona ko ne na ya repetition bo na ya ba singa to répéter nzemo nyo ye bi nzemo bo to kenze mo bo to na beti nzemo bo mais tu as envie de manger mon nez, hein? Tu mets dans l'origine, moi. Voilà. Eh, l'origine, ma tape, quoi. Mais bon. Eh, avant de mettre ce péco, voilà, voilà. Époque, il y a ma équaliser et les autres. La bêtise, on rien, ah, le ballon revient dans la Willy sur la vie, ah. Mais on mettait une pièce. Oh, le yonde te zuyo, yonde te zuyo. Parce qu'à l'époque, on a un guitariste qui a dit Kutaki. Viens dans la Willy. Viens dans la Willy. Voilà, chef, il y a répétition, je pense. Zagalo, Alvarito, Nali Petit. Ok. Nanagogi, guitare, c'est quoi? Bon, après, on a ce qu'on a intégré, on a qui, à côté, pour répéter deux semaines après, juste au Karabakh, allez, tout le j'ai tout le Cameroun, tout le petit concert, on a écouté un peu dans Aigle Kuna. Donc, il a fallu, pour la première fois, beaucoup de temps dans la répétition. Non, beaucoup de temps dans le Cameroun. Beaucoup de temps Cameroun. Voilà, il s'en a rendu compte. Exact, bon. Déjà, il y a des gens qui ont été. C'est mon hasard. Recruter des guitaristes. Je suis sûr que tu as bien. Je suis sûr que tu as déjà. Ok. Je suis sûr que tu as déjà. Non, c'est les passeports. vous savez, passeport, ah, tout ça, on a bah, vient à l'issue à l'Enzambé, Dieu le Père, ma fille sont colloqués, Tchouli Djangi, tout ça, on a maître B50D, tout ça, là, donc, même si ça prise déjà qui est non, ça, bon, et puis on travaille bien, bon, c'est bon, vous savez, les passeports, tout le temps, on a Cameroun. Mais risque parce voilà. Que tout y est tout le monde a pour y a des fois jugé, il y a des fois validé, voilà. Alors donc yo intégration on a quand il y a victime aux là vraiment là va combattre des toyo quand on a pris dans la recrutement va musu baboya nga musu bandima aux autres va combattre. Non nga pina na zwana nga va combattre na en tout cas il faut n'avoir que ngai moi facilité mo risala qui parce que bon on a habité bon. Parce que nous avons déjà recommandé qui nous avons pas de pour nous avons déjà avant. Déjà, voilà. Nous avons déjà. Nous avons recruté. Bon. Nous avons déjà été recrutés. Je ne savais même pas. Nous avons déjà été recrutés. Nous avons déjà été recrutés. Nous avons déjà été recrutés. Bon, ça va. C'est bon. Nous avons répété. Nous avons répété. Nous avons répété. Nous avons répété. Ok, ah, mais t'as bien. Nous avons été en Cameroun. Ok. Nous avons été en Cameroun. Nous avons été en Cameroun. Nous avons été mon nga pe kino beta bien et puis tu démarrer pe JKP tu beti ba concert et silipé tu zongi kin tu vas peux répéter donc pas ma peke mbalamo. Alors donc premier concert na yo na a victime pe premier voyage na yo zala na Cameroun. Na Cameroun. Alors et zala ka peut-être on peut dire que là qui pour toi une première fois ko beta concert mon un grand concert à Cameroun. Alors comment tu avais pu gérer ça? Bon, déjà, tant que comment dit déjà Cameroun, parce qu'on est qui va prendre un concert à Libosso, Aigle Abeta, voilà. Cameroun. Après sortir à droit chemin. T'as qu'à droit chemin des années 6, si on a partout en Afrique. Soit on est par un concert à Libosso, donc, Bissot, tant que quitter la Cameroun, dans un Bissot donnant mon frère, non, c'est ça qui est terrible. Le monde a dit que non, il y a un baba artiste. Ok. Il y a un baba artiste. Si ça vous a raté, maman, son année, banon, c'est maman, au moins, vous avez tel boué, mademoiselle Banda. Vous avez une bonne fenêtre, vous avez une bonne bande, vous avez une bonne bande. Maman, soit déjà au monde, déjà ma foule, et maintenant déjà au salon, déjà bien, et zo long, le long, la langue, déjà, oui, et long, la fausse, et tant que tu commis dans la salle, tu y es, tu es au la balance, vous avez battu belé, vous avez conservé plein à vous a raté. C'est vrai, Nazamoutou, première fois que j'ai été élevé, j'ai été élevé, j'ai été élevé. Voilà. C'est vrai que j'ai été élevé, j'ai été fausse, mais après, j'ai été à 4 concerts, c'était très bien passé. Dans le voyage, on a eu 4 concerts en Cameroun. Deux à Douala, deux à Yaoundé, et puis c'était bien passé. Et du coup, vous avez été à Kinshasa? Trop bien, Fridolin. Donc, arrivé il y a Fridolin dans quand il y a groupe d'accompagnement il a fallu et ça là qui n'a moi chance moi ça là qui sera et sera qui pas na yo na ko yamba la moko na pas passeport na ba voyage tandis que toi bien que ma musique au koya au yé ben on va ni au senti ben que non mambuza na ndi ndi ba occupé aussi ndi tout ça là ku tu pour na c'est dit tara ni ba occupé aussi tara ni ba occupé aussi c'est bien. Alors na moment pour songi Kinshasa bo bandi ba répétition bo bandi wana bon dès quoi répéter car ba droit chemin ou bien ba tourner continuer qui va voyager continuer qui va concert et continuer qui ça là qui ngeni ouais ba concert continuer qui concert on est là à Sirwana Sirwana écoutez mais même utile le lot fallait pour pas aigle suprême y est-il le lot à Salaka ba contrer Bélé. OK donc droit chemin depuis et banda droit chemin utile le lot ba contrer Akaka. Donc, répétition, concert. Donc, il y a un bandeau à la cabre. Donc, bah, répétition, il y a un bandeau à la bah, concert, puis il y a un bandeau à la. Voilà. Donc, beau répéter. Bah, c'est vrai, il y a trois chemins pour trois chemins. Il y a un bandeau de 2006-2009 des Arsenal de Belmé. Et Kobima. Voilà. Et maintenant, directement, nous continuons. Parenthèse, il y a Arsenal de Belles Mélodies. Et il y a un Arsenal de Belles Mélodies. Est-ce que Fridolin a réussi à participer à un moment ou bien au bêta? Non. Il y a commis au bêta, dans le studio, dans le victime, je peux dire, dans le bêta, et ça là qui est original. original. Original. Ouais, single ouais. Ou original. Ouais. Mm. Arsenal de belles mélodies. Encore Power. N'a participé. Ok. Mais on s'est déjà dans la salle qui est déjà dans la depuis 2008. Depuis 2008. La salle qui est vous répétez, vous faites des concerts, vous voyagez. Mais dans le studio, on a dit que nous parce que chaque chose a son temps. À son temps. Ouais. Alors, pendant que vous êtes dans le groupe, l'album est Zobima, Banzim est Zobima, et vous êtes dans le studio, mais sur l'album est Bimi, vous pouvez vous répéter Yango, vous interprétez Yango, vous répétez Yango, alors, comment tu gérais ça? Parce que et ça peut être un peu difficile, mais comment toi tu gérais ça? Bon, c'est pas difficile, hein. C'est moi je voyais ça, c'était pas difficile. Les abissonniers sont au moins dans ça là, ceux qui ont un intérêt, au yo ça la fait les abonnés intérêt, abissonniers sont pourquoi pas dans ça là en opé. Ok, tu vois, donc tout ça, yo en a tout ça, c'est une famille, un studio. Et les premiers années qu'ils ont bêté les albums, des ballons, et à ça la succès dans tout chez y a Fridon là, ils athées, c'était ça le problème. Bon, non, mon nom normal, hein, non, mon nom normal parce que. Il y a qui n'a pas de bazar qui en a payé. Ok, écoute, regarde la bazar. Bazar, déjà, l'esprit m'a reboué. Quand bien même, il y a un qui n'a moi, privilège, m'a reboué avec ma voyage, ma concert. Mais, bazar qui déjà en a. Ok. Bazar déjà en a, donc, il y a une rose, elle a trop précédé. Très bien. Trop précédé. Donc, il y a qui n'a pas de bazar, tant on a vu Maël, tant est-ce qu'on a vu Maël, le monde qui est comme ça, tant on a remis ça, on a remis ça là. Et on a remis ça là, on a remis ça là, on a remis ça là. Alors, est-ce qu'on a vu pendant, tant on a une chose qui est patient, c'est dur au dans un studio. Ouais. Alors, bah, voyage, c'est là qui est mingi, il y a France, il y a États-Unis, et arrivé, il y a un peu de voyage, il y a un peu de voyage. Voyage Afrique, oui, mais Europe, bon, Liban d'Afrique, il y a un peu de voyage. Ok. Ouais, Liban d'Afrique, il y a un peu de voyage, il y a un peu. Et là, on est en attendant. Oui, chaque chose a son temps. Et là, on est en attendant. Liban, il y a un endroit qui n'était même. Afrique, il y a un endroit qui est en Angaï. On attend que je vienne trop en Afrique. Et tant en Angaï au Coca, en 2023, tout ça, les Paris de la Défense, 2024, tout ça, les Barrés, les Mouchou, tout ça, les NDP, Fungwami, tout ça, les Kéné. Et avant tout, comment on a Paris de la Défense, voilà. Maintenant, pendant tous ces temps, on a tout voyagé. Comme ba musicien ba bande ko beta guitare et ça ba to yo kutaki ou bien zapé na ba tousu ba ki pa après yo et ba kombe ko voyager avant yo. Oui oui oui, et ça ki na ba tousu ba ki pa après ngai niti ndi wala golé. Voilà, golé solo golé, je le salue là où il est. Golé ngam na ya na golé na mouvement. OK, ngam na ya na ye mais akipo to avant ngai. Ok. Qui va qui va bêter à Kenya, Kenya va bêter dans les États-Unis, États-Unis va passer à tourner aux États-Unis après Bahia, après qui va bêter Bercy, c'est vrai qu'il y a confinement. Confinement. Puis après il y a qui a ça la chemin aillé. Bon, mais on a tiré la qui. Ok. On a tiré la qui. La monnaie qui est normale. Est-ce que vous allez considérer un négénie? Au bête arabien, Fridola, au bête arabien, au grand arabien, au trouve arabien, bah live tout bien mais. Ouais. Au Salaka, comme on a eu Salarana, effectif, il y a bateau, il faut pas qu'il y ait Europe bien mérité. Est-ce que quelque part, pendant mon amour, que ça peut être moi, injustice, mon robot? Bon, injustice, c'est parce que mon colocop, ouais. C'est fallu pour pas. Donc, il y a eu Nani, et puis Nani a utilisé dans un moment. Très bien. Il y a des titres, il y a des gens qui sont à côté de la siège. Ok. Comme étant un musicien, il y a des et pour y a des savoir-faire, il y a des gens. Et maintenant, le concert, il y a Kinshasa. Est-ce que Fridola, ça peut participer à ce concert? Oui, non, non, participer. Il y avait des fois aussi, le concert, c'est dans l'ordre à la thé, il faut avouer. Dans l'ordre à la thé, on va venir dans l'ordre, ok, non, comme lui, ça peut être comme on peut être. Tu restes à la maison, tu restes à la maison. Mais c'est normal. Il y a un moment où normal. Il y a un moment où normal. Mais est-ce qu'on a un espoir que tant à eux, ou bien on va supporter caca? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Jour, on a passé sans visa. Jour, on a passé sans visa dans l'Aï. Bon, c'est dans l'Aïsanga, parce qu'on a passé sans visa. Sur le terrain, commentaire. patience. Très bien. La patience paye. On a ça comme conseil sur les instrumentistes, surtout sur les guitaristes. Dans le groupe, tu as toujours été. Alors, ceux qui ont eu place, il faut toujours être patient. Si vous êtes sûr, vous avez eu un côté. Alors, aujourd'hui, avant que les locaux m'appellent à l'opportunité, à cause de visa, qu'on m'appelle à voyager partout. Alors, est-ce que tu as eu un peu. Dans le moment où il y a un passant dans le groupe F victime avant comment voyager pour toi, est-ce que c'était facile pour toi? C'était pas facile. Non, c'était pas facile. Et la difficulté, c'est qui par exemple. Qu'est-ce qui est la difficulté? Mais oui, difficulté, c'est sur le plan mental, moral. Ok. Donc, ça dit, il faut avouer que si on est bandé voyage en Europe ou en Afrique, vous allez vous travailler, en fait vous travaillez ensemble tout ça, vous êtes bandé, ça dérange. Mais oui, toi tout ça dérange, il faut mettre tout dans la question, mais pourquoi. Mais il y a un tenu moutouskoué pour ça, qui niveau de travail qui t'a. Par contre, il faut tant que je me pourquoi, au jour de penser, je me dis toujours que non, il faut travailler sur dur pour que je me aligne. Très bien. Il faut travailler dur pour que je me aligne. Et pendant que je me dis, je me dis que non, non, répétez trop, peut-être moi, je l'aime pas. Mais oui. Moi, je l'aime pas, c'est mon boulot. Maintenant, comment m'appelle? Bon, je l'aime pas, c'est boulot, mais je me dis que non, je l'aime pas. Moi, je l'aime pas, c'est boulot. Ok. Je me dis que non, Je suis là. Ne ba monenga po ba to ta poto mo bo ba e o tala sko van dis ko tala voilà bo le nga o raisonner. OK, na répétition. La répétition, pleine répétition, na vena no répétité. Bo ke nga o raisonner pour bi nga ya Frido. Ah, ya Frido o raisonner. Na bi se a te na raisonner ta nga te o raisonner. Voilà. Na mo yo raisonner. C'est que dérangea qui est. Ah oui, et dérangea qui est. Abina mo raisonner. A bo mo to moment nuko ka, e ko ka ka. OK. Encourager. Ouais, j'étais là avec Arnaud et puis Toine de Sola. Et puis, merci vraiment parce que m'a remonté avec mon moral. Très bien. Oui, parce que j'étais pas battu, m'a remonté mon moral. Na vie dans la Félix Taison. Tu vas fort. Et puis, Vianne n'a pas conseillé en moi trop, a conseillé en moi vraiment trop. Merci beaucoup. Na vie dans la Ginolia qui est abandonné à coup de pied par là. Voilà, il y a Bakala. Dernièrement, pour toi, avoir tout bande d'émission, tout est sur Loli. Donc, c'est un grand frère. Très bien, c'est un grand frère. Je pense que Bameloman, il y a sa bonne musique. Bazo, Kosepe la Lengue, tout autant pour sa émission Oyo. Et aussi le Warrior du monde entier. Bazo, il a un grand concert Oyo. Aigle suprême a coupé sa bango concert de revoir avant Benjamin Papou pour qu'il y ait la tournée américaine. Nous avons sur notre plateau l'un de votre soldat, Fridolin Boliti, qui a répondu favorablement à notre invitation d'aujourd'hui. Et j'ai le réel plaisir de savoir que vous allez vraiment suivre cette émission et vous allez partager pour que. Bandeko Moussous, Bayo Kapé, histoire, il y a soldat Nabino, Fridolin, Nini, ou à travers ça, puis Nakati, il y a groupe, les Lopa, comme fier, na Oyo, il y a Zanon, comme fier, il y a Orgueil, il y a comme fier, na Moussala, na E, comme fier, parce qu'il y a Mbanga, tout le monde a téléphone. Le Len Nambo, on a bisouté. Trop bien. Alors, Fridolin, Nakati, il y a groupe d'accompagnement, vous êtes tellement ébellé. Ouais. Et. Comme un moment que et comme par exemple dès le moment où et comme un moment à eux bah sous soi eux bah moment là bah on a été quitté n'est pas été yo pour ils allaient qui pour naio. Est-ce que c'est tout le monde à la facilité à patienter, c'est tout le monde à la facilité on a été garder silence, c'est la paix tournée. Parce que c'est un motema motua. Parce que c'est le roi motua bon bah secret mo bouyaye mo. Donc tu éviter ce qui lobby au sani, tu éviter ce lobby aux décisions ni. Voilà. Le tu éviter ce lobby aux décisions sur ça la wana. Attaque tout sur là, tout sur là, tout bête ma solo mais. Ne tous éviter ce donner lobby aux rapides décisions au tigabiso très bien ou bien donner éviter ce lobby dans la décision atika donc c'est ça quoi donc patience ça la et dépendra un thème à mon thème voilà mon thème mais nga na ebi kende tout ça la wana en tout cas tout le monde est patient ou tout le monde attend son tour et puis nebi que on punion sur tout le monde serait heureux. Voilà. Alors pour la refonger la parenthèse, moi voilà, je me rappelle à l'époque, bah moment où Yofri Dola ça là qui n'a pas voyagé, fallait ça là qui n'a concert moi bon à Kinkole. Na espace ya Sikaloboko. Ouais, j'étais de la partie. Sikaloboko. Sikaloboko à l'époque. J'étais de la partie. Et na tongo et ça là que non to là là kuna. Et na tongo fa kito songa boy la mana yo. Et beba ka bilomo anengo wana nataka pour la pembe ya match long ya match long ya pembe na pesa ngona Fridolin et ce sont des moments où moi personnellement je me disais mais Joe a beta bien na ba nous le yeyo mais à son voyage était pour na nini est-ce que ça là qui peut être pression te ba nos appel na ba famille peut-être na ba relation na ba connaissance oui oui mais t'as pas fallu mon voyage raté dans la pression te oui na nos pression na nos pression. Non, non, parce que si vous avez pression, on a ce lieu juste du coup, au la négativité, il y a un peu ça là qui est au dérouté. Ok. Mais si vous avez pression, on a au tchang ce qu'on a travaillé. Bah, tu vois, tu as la pression, oui. Ah, c'est comme si on a un peu ça, pensa, t'es un groupe. Voilà. C'est il faut na bah, qui c'est sous sous. Na bah, qui c'est ma batterie. Na tchang sous sous. Na tchang sous sous boulot, pensa, boulot, pensa, marche. Pour que. Natano ce qui boulot mutué ça là qui n'a voyagé n'a qui ne bah repute tout ça dans un multiplié car bah effort na boulot que boulot et mataka kai mataka ngai na zale bongo ngai na zale bongo ngai zale bongo ngai na zai ce qui sur na yoki na yoki que bah ya bandeko bah ça là que na mais yo bwende ni moi je rentre dans la maison je prends ma guitare je travaille à fond donc je travaille comme un malade ok je travaille comme un malade le résultat na studio. Résultat dans le studio, donc ils sont bloqués studio, non, nous on a ça là, ma cambouna, on a ça là, on a ça l'effort qui m'colo cop à Tchangaka. À comprendre que l'homme est bien. À Tchangaka, ouais, ouais. Alors, quelle est la première participation dans le studio? Nous avons dit que nous avons été à l'époque dans le studio. Original. Voilà. Avec original. Original. Voilà. Donc on les a dit moi liboso beta yango. Alors rebimi mokili mobimba. Nzema on peut ça là qui fait succès. Fridolesco yoza mon tout peut au touche na kati na yo. Comment tu as pu gérer C'est bon. C'est bon, donc voilà. après, allez, ton libre parcours, allez, néo, je suis un collègue, un musicien, et maintenant, tu as dit que c'est original. Alors, participation à Yokobet ou Beta Kiwana, idée. Et ça, il y a Yomoko Kreyaki, et ça, il y a idée, il y a Fali, il y a Yébisho, qui est Beta Bo, Beta Bo, et ça, il y a un autre travail déjà, tu vois, tu travailles, tout ça, banin. Si, tant que tu travailles, par répétition, on crée partition. Ok. Créer, par rapport au pays, il y a style, il y a. La groupe voilà c'est la groupe et pas si au monde payé non tant au bêti la studio pc n'a eu beaucoup d'une india et on a un bêti l'india après ça la guité tant on a un bêti et puis tant bayou bête bayou ça la coeur Déa, après j'ai fini Déa. Maintenant, des petites guitares. Déa, c'est non, Frido. Ah, ok, d'accord, ah, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est Pélé qui n'a pas mal à mon corps. T'as c'est Pélé à faire les dépouilles. Et qui est bon. Ah, voilà. Donc, il s'est mal à mon corps. Et mon corps, mon corps, accepter tout ce n'ayo et yo mon lobby ah faut na tika la kan na na ba ligné oyo parce que mon coloc en dit miango ouais donc trois chef original ya mon mutu et ça là qui est pas sur les langues qu'on dit là là non boss a banda ko yo ko ngai ya yo kati to ko mana ba formule 7 ba tika linga pe ba nzembo na beta beta beta donc contrôle formule 7 na beta beta donc nzembo li bosso ezaki original après original un libre parcours ok on petit bande mouille ma musicien ma chaque ouais ouais la petite voilà qu'on a buté la bête kabarumba barumba ok barumba la bande moi c'est bien la bête c'est moi alvarito ok alvarito c'est bien on a la bête rythmique la bête accompagnement à c'est moi c'est bien et alvarito et puis bande mouille barumba la bête c'est moi il y a Nathan il y a Walou il y a Chouchou, je suis dans mon ok, Choumen. Alors, maintenant, on est acquis album et un groupe. Maintenant, après, original, l'album, il y a Yemoko Fali Poupa. Après, original, il y a qui sont dans quatre albums. On est dans un album à contrôle. Contrôle. Parce que tu es dans contrôle. Là. Oui, vous contrôlez ce qu'on a contrôlé. Donc, tu es dans le contrôle. Aime-moi. Ok. Aime-moi. Ça va bientôt, Yokamo. Voilà, on a quand tu as contrôle, Obeti, on a dit, aime-moi, Obeti souligne. Aime-moi et puis Obeti. Service. Canne à sucre. Ok. Canne à sucre. Ok. Ah, oh, dans Yom Tobeta canne à sucre. Ah ouais, une très belle chanson canne à sucre. Après, on est à Mouchigo. Sandrine Mouchigo. Maintenant, par rapport à ce choix, ça, patron, il y a un moment où tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que Donc là, c'est comme si yo osali un peu trop fort na barumba que peut-être que na seben na ra trop fort mais et demo le bouche de l'état original original les ala seben bolole na bamage tu ma musée yo moya seben Mais là, on te trouve toujours dans des très belles chansons. Nakati, Bandi Marumbara, il y a vraiment un guitare que tu as trouvé, tu as retrouvé plutôt. C'est que choix, il y a patron, pour que nous ayons ta place, on a c'est que tu es encore plus fort dans Rumba que peut-être dans le générique. En fait, naïbité, mais on a naïbité, on a eu la signature sur la chair, on a bêta. Le bêta rabia. La signature sur la chair, on a bêta. Pravaniki, na banana zimu lusi na bende za seb za seben, repito yeye na banana zimu barumba, na beti barumba, ti, tangu yeye na formi set, na beti na generique, lusi formi set. Toke na generique, toke na generique a formi set. Voilà, merci beaucoup Fridela. Voilà, Mbalamoko, nous avons dit que nous avons dit que nous avons générique. Nous avons dit que et qui à tout moment, comme au côté studio pour la robette avant de dire, il y a Kitoko, générique et tout. Et tu t'es dit quoi? Que comme il confiance, il y a patron, il m'a reçu comme il le Bélani. Bon, confiance, c'est chaud. Moi, je suis remis comme il le Bélani. Je suis remis comme il le Bélani. Je suis remis comme il le confiance. Moi, je suis tiré au roi du tout et beaucoup me sont faibles. Ok. Notre travail dans la société pour la confiance déjà. De yo travailler carrément né parce que linga boyé c'est faut là qui c'est le meilleur de moi ouais non là c'est le meilleur de moi parce que nous les amoulai lobby sousou parce que là ma sousou de yo luka ka travailler ka luka ka travailler ka oui confiance oui non parce que oui confiance kota ki ton déjà parce que nous sommes moko ou petit de moi balo petit 3 4 5 6 7 on a une confiance côté mais et yo tient mon tout est et c'est la cas que non au travail à caca. Très bien. Alors na bandem bouana pendant que vous travaillez voilà et comment là que résultat là nous sommes toujours positif. Na orchestre na ba melomano ba yo ka musique et ça là qui copé ça yo pour ça ya ko travailler sous plus ou bien ya ko tika la focus ka na mambozo bi misa ya bien. Ya ko travailler sous plus comme misa sous le meilleur. Travailler surtout les bâtons tout ça lit tant tout pendant que tout ça la formule 7 bah si on a notre travail dur bah si on a notre travail pour manger ma formule 7 ils aient dit moi ils sont aux têtes en tout cas mais ça mélodie bien tiens ok tout à l'heure mélodie puis il y a formule 7 ils ont dit mon roi bah date d'anniversaire donc ça dit travail fait aller belé. Faut travailler. Alors, à partir de quel album est-ce que ça là que Fridolin Lelo a joué visa na yepona? Là bon la formule 7. Formule 7. Donc bon en fait formule 7 n'est pina donc il est ou et pina ou vim bisali sous maram ou on a na salara. Très bien. Formule 7 ou vim bisango. Donc tant que formule 7 bimi ah non je suis aïté. Donc on peut bimi ça qui vraiment savoir ma casse na formule 7. Ouais, la formule 7 na bimi c'est na maïle basé mon roi ba date d'anniversaire basé mon roi ba éternité. OK. Basé mon roi ba noctambule. Basé mon roi ba seyo. Voilà. Ou beta guitare yo moko basé mon roi ba kit complet. Na formule 7 voilà. On met à peu près ba combien de chansons? Générique. Ouais, générique date d'anniversaire, éternité, CEO, kit complet, VIP, centième dossier. On me disait, ok, déjà, il y a 7 chansons déjà dans la carte. Ça dit centième dossier, science-fiction. Ok, ok. Science-fiction, donc ça dit. Oui, chansons déjà. Donc, ceux qui déjà au monde qui s'impliquaient déjà, ou participaient déjà dans le bel et bon album, donc c'est que tu travailles bien. Travailler bien pendant que tous les acteurs qui ma série, ma séance ma séance, il y a ma studio, je travaillais, il y a où, normalement soit opportunité on a, chance on a, il y a bête parce que nous avons amour côté. Donc c'est à dire ça prouve que les lots qui concernent mon ligne bête à quelque part et qui formule cette bande de mouffes bête à mes belles, il y a aux angles. Ben oui, ils ont la ming bon moi alors. Oui, ils ont bon. Quand bien même ils ont la colo coupée. Ouais. Quand bien même ils ont la colo coupée mais ils ont wana. Ceux qui est victime c'est quelque part ici qui bat bas là. En tout cas, colo cop qui est fallu pour pas aigle souvent bien ils ont la zana osa. Ceux qui ont bien la zana ils ont osa la tête. Osa la tête parce que la cop naie. Ils ont cop naie, ils ont yangaïté. Voilà, c'est ça. Ils ont yangaïté. C'est ça, Fridolin. Ah. Du coup, ton ami, ton amour qui, ton moni, fallait pour pas, il fallait qu'on ait combattu un grand concert, fallait qu'on s'accompagne là, bah musicien là, et parmi bah musicien, oh, bah qui visa pour pas qu'il ne porte pas qu'il bête un concert, voilà, ton moni peut fredonner la place. Ouais. C'était comment mon colon, c'était comment au recevoir qui, et au yeba qui n'engagé ni quelqu'un qui n'a qu'à sa délégation bah qui pourtant, pour la première fois nous signalons. Bon, pour la première fois, je n'ai pas mes bandes déjà annoncé. Ok. Bandes déjà annoncé, on a eu un voyage en Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Quand il y a eu un voyage en Guinée équatoriale. Voilà. Manger de tous les temps. Ah, je suis tout mouli. Je suis tout mouli. Je suis tout mouli. Tu déjeuner qui dans la chambre, tu déjeuner pas, ne moyez pas qui ah, petit on y a là non, petit dans la tu kina piscine tu vendi, abdang ah, et puis tout ok ne poto, mais c'est ah, c'est bon je me vais toi en Guinée, tout ton petit aux hommes abri, c'est bon ma pote bandeau ok ne, ah ok c'est bon je merci. Pourtant, il y a une grossesse à l'aventure. Parce que vous considérez qu'il y a un bien monnaie qui a bâché à l'ensemble. Non, oui, il y a un bien qui a bâché à l'ensemble. Voilà. Donc, il y a un bien qui a bâché à l'ensemble. Après, ben discours au conseil, c'est quoi? Nous, il y a un conseil par rapport à une expérience. Expérience, ça, c'est un mot, oui. Oui, oui, oui, oui. Ben discours au conseil, tout ça. Et puis, on peut tout y aller, Pékin. Et c'est que tout va dans la démarche à Schengen. Salaboué. Et puis, il n'y a pas. Tout kepe, ma visa. Des jours, l'acceptation de ma passeport. On a répété dans Roméo Golf. Roméo Golf, ouais. Après, ça bien, on a pu l'acceptation de passeport. Moi aussi, j'étais content. Et puis. Et ça, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu parce que Nathalie Place na Outa et puis ma Kamoune, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a tout ça, Nathalie, il y a Ma danseuse, Chimel Folo, donc tu as vraiment tu as vraiment été belé. Alors c'est là qui que bonsoir qui toqué pour c'était pour la première fois. Alors est-ce que comment il salamaki ni motiva qui fait dans la à zonga Kinshasa atika la peut-être que nous avons comme n'allait à poto na tiki nanga. Pour la musicienne. Pour la musicienne. Mais monsieur belé peut atika la comme na. Na bingai. OK. Na bingai na ko ningai Fridolin Buliti. Donné c'est à vous maïs au frido nazonga qui parce que naza musicien et puis bah tu n'as pas tout bâti calara la plupart des bâti calara ils allent tout bâti à misala moi mon travail c'est ça et faire bouger ngai et faire bouger ngai ok donc ceux qui n'ont tigala pas tout ils n'ont ça ils appuient dans n'importe quoi misala mais non ça déjà misala voilà vous avez déjà au travail au salaire déjà quelque part déjà non ça okay. Déjà et permettre ngai n'a bouger on a bien intérêt à aussi à la petite ou à aussi à la petite parce que dans Samsel et puis dans un peu mes artistes à mon aîné à ça m'a contré belé à ça m'a mis belé belé belé donc dans ça mais est-ce que ça t'est que peut-être surveiller ces gens-là qui m'a cassé ces gens-là qui n'a pas qui n'a moyen pour qui m'a tiré même pas sur la sur ma vidéo dans la il y a pourtant les bossos au monde à venir non ça dit kuna liberté liberté au saranati d'ailleurs biso ma monnaie za la route tu OK ma monnaie za parce que bato ba ibinde to za na poto ba ibinde to vanda donc bato ba na na déjà parti à awa ba ça bino ki mutu oyo ayebi ki a okende a na place au okende a ami le bien déjà awa pour que na siège ba longola yi na siège voilà alors siège je peux sika ba mi c'est ba fanda ka so na sika siège jusque de mon côté OK donc ba siège ça partout ba siège ça partout ma place va partout mais ma place est bille donc ça c'est ba na siège na bango place na bango ba chanteur mi ba place na bango biso be toi na place na biso donc ça dit ba tu na ba na place bon et puis tambola ningo lingi tu sais où on a parlé au monde va tu me retourner en Belgique va tu me suis retourner en Hollande va tu me suis donc ça dit toi qui Londres va tu m'as tiré là bas à Londres toi qui va tu me suis tiré là bas en Belgique donc ça dit va tu vas bas là bas on à l'aise n'a passeport na yo oh oui dans vos autres mois on a passeport na yo mais ils ont identité na yo tu fais tant mola non ok n'a passeport na yo donc y'a pas que ni nous ça là et puis ni nous lingi au Vandabouga Masoudi Azakuna à Londres voilà. Vandabouga Juno Loso Azakuna en Hollande donc on tourne à monter à place na ye o ya lingi à sa place non à lingi voilà mais lentement sûrement nous partons déjà vers la fin de notre entretien vous comprenez que Masolé a tellement belé à gobeté Masolango a tellement bien tout ça qu'on développé dans l'un des artistes l'un des musiciens il y a un groupe d'accompagnement à Fali Poupa et à ça qu'on met un peu qu'on puisse avoir une expérience dans le groupe d'accompagnement à Fali Poupa. Et Fridola, aujourd'hui, s'il faudra dire que Fridola a gagné quelque chose, est-ce que vous avez le gros mot ou gagné à Katia Koum? Oui, pour moi, les expériences. Ok. Oui, expérience, au moins, expérience et puis intelligence, sagesse, intelligence, comment est-ce que Namoun a la patronne a aiglé, a salaire qui tout travaille dans le studio, ma répétition, tout ça. Ma mignon soit dans la caméra. Non, je ne vois plus ma part. Ils ont déjà gagné quelque chose. Quelque part, ceux qui n'ont pas un robot, non, nous avons ça là. Ningi na zomuna. Voilà. Donc, ça dit. Ningi va la prendre. Voilà, ça dit, c'est non, ça bénéficiaire na maïle. Na maïle. Donc, vous voyez, bon, bien matériel, oui, c'est bien bon, mais il y a un autre ni moutou. Et c'est important vraiment. Mais, parce que, on a gagné les lots, na moutou na ngaï, na roupo kende quelque part, pe, na bimbe moutou. Ok. Mais dans un moment, on te pose Moussala moutou quelque part. Mon ici là. Mais Moussala, il continue à l'éternellement. Moussala, il est éternellement, on a eu le sangouban na ngaï, on a eu le sangouban de Moussous, on a eu gagné là, donc ça dit, il y a un autre ni maintenant. Ou celui de l'eau parce que on va toujours Fridolin ou abété guitare dans 2012 2013 à la guitare donc guitare a eu bêta na original et ça guitare au bêta na formule 7 c'était non et ça y a monté donc ou améliorer les choses ma casse ok ma casse donc travail cola qui travaille colis avec Oli, il y a un album toujours dans Baïkina et une émission qu'on frère dans Yomoko, Nabaki Charlie Prince, Nabaki Batou, Balbaki, non, les artistes qui accompagnent notre boss Fali Poupa bah moins bon ouais il y a moins Mais Fridolin, d'ailleurs, je suis vraiment trop étonné d'apprendre aujourd'hui que yo guitare yo au beta pina la canne à sucre, une très belle chanson planétaire au beta pina canne à sucre. En tout cas, dans ma case, il y avait Nara Djinoliek. Voilà, en tout cas, vraiment félicitations, ça prouve que Moussala Peneza Rokola, Moussala Peneza Rokola. Et alors aujourd'hui, et puis ngapi mutuna interprété Nzoto. Allez, le côté pas ta mousse. Tokola. Boss dans la non, beta boué. On a vu la bêtise. On beta rompé correctement. Oh, mais non, tu n'as beta et on a si jour. Bravo, félicitations. Donc, aujourd'hui, la plus grande chose que vous gagnez auprès de Fally, c'est Ali Mayeli. Parce qu'on nous apprend souvent que non, Fally, c'est un bosseur. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui n'est peut-être n'engue ma foi, je sais bien na États-Unis pour Fridolin monter mes bêtes à la sou, t'es ou bien et bêtes à la. T'es si quoi monter mes bêtes à la. Et bêtes à la sou, t'es si quoi monter mes bêtes à la. Monter mes bêtes à la. Mais est-ce que déjà, sauf qu'il est États-Unis? Les États-Unis, on a quitté. Non, quitté. Sauf que Mbalo sait que c'est pour la première fois qu'il est États-Unis. Oui, c'est pour la première fois. Mais Mbalo fait bêta quand même parce que non, qu'il n'a pas monté. Non, t'es monté, mais bêta, non, et bêta. Et Europe, combien de fois déjà? En Europe, deux fois. Deux fois. Okinawa Zong. Les États-Unis, monté, mais bêta. Et alors, Rambo, tu es bêta la musique. Voilà. Les États-Unis, Canada. Donc, Amérique, monté, mais bêta. T'es Amérique, t'es. Amérique, non. Na kete tozo ke na onde. Moteme beta te. Moteme beta re. Et voilà, je pense que non, vous nous suivez partout à travers le monde. Na kati ya nouvelle tendance télévision et aussi na kati ya tout info. Je vous rappelle que nous avons comme invité Fridolin Boliti. Oyazali, l'un des soldats de Fally Poupa. Merci na bawari, on nous sommes commenter, na ko féliciter et puis na ko na ko encourager na mambo azali ko sala et puis merci na bino ma boza ko s'abonner na l'émission parce que notre émission Tout en faux histoire est une émission Oyolelo. On n'a pas besoin kaka ya ko sala polémique pour ko sala suivi, mais on a besoin ya ko valoriser mon tout par rapport ya travail na, vous comprenez, d'où l'artiste Aouta et aujourd'hui place Nini a commis et qu'est-ce qu'Aza qu'on envisage faire. C'est ce qui est le plus important. C'est une manière pour nous de soutenir la culture congolaise. Merci. Naba Ndekonyo Sobola Nabiso, na côté à France, na côté à Belgique, oui, na côté à États-Unis, Canada, surtout naba province Peyambo Nabiso, Bolananga Mingi, Bokomelanga Pe Mingi. Je suis vraiment très content à côté là que la province Peya Congo, Bolananga Nabiso, c'est-à-dire. Internet est comme un angle partout. Fridolin, lentement, sûrement, nous partons déjà pour nous négocier dans les solos, dans l'histoire, dans l'histoire. Mais, madame, nous sommes autour de bas. Je pense que, et là où tu as marqué plus, c'est ça, là où tu as dit que, au gagné, il y a une victime, il y a une Maëlle. Parce que Maëlle est pour la rater. Maëlle est contre la rater. De génération à génération. Ouais. Voilà, ça, il y a Maëlle. et que de génération en génération. Alors, de toute façon, tu as dit que vous avez une tournée américaine, vous avez une date belle tellement vous avez préparé, vous avez une date. Alors, préparatif, vous avez une date, parce que d'ici là, il faut que vous vous préparez à une date. Ben, jusque là, bisous-toi, non, à moi, réponds-moi mon cœur, tant mon cœur, parce que tant tu démarrer ma répétition, pour bisous tu répéter à la poutre, tout ça, ma spectacle, tout répéter ma spectacle, ni te représenter les publics de la mission. Donc, toi, non, à moi, réponds-moi mon cœur, quand la mienne était aux zones, et puis tant aux zones, ni tu bisous-toi, ni tu travailles. Et puis, il y a un peu par rapport à l'Ando, le Mambo province. Il y a un peu dans la Congo centrale, qui sont tous dans la chef de la télé, qui sont dans la Gino Losso, dans la publication. Dans la Tango Fort. En tout cas, l'émission est en train de nous connaître. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bampangaba Congo. Merci beaucoup. Il y a une année du sénateur Roda, Papi Médé. En tout cas, donc faut penser à la bataille côté pour nous. Donc, monsieur le côté de la province, tout à l'heure, côté de l'Europe, petit côté. Ouais, tout à l'heure, la province, en tout cas, continuer toujours à le faire. Jour, les gars, comment on a besoin de dire, t'es battu à la rangaille. Voilà. Donc, à part là, Warrior, on a besoin. Dans le barin, Warrior, donc, focus toujours, on a date. Vous sommes ma billet Nabino, vous sommes ma billet, vous êtes la ligne Oyo, aigle suprême qui est fallu pour pas notre boss, notre papou, Nini Oyo, Azo Sala, Nini Oyo, Azo Ebisabino, Ba Warrior, Boza famille, Azo Ebisabino, Bo Sala, vous êtes toujours focus dans ma cam Oyo, ya aigle. Voilà. C'est ça quoi, c'est ça. Voilà, on a habité petit dans la fibologie. Fibo, et là, Namoni Merveille Teko, Namoni Maria Kota, Namoni Noëlla Lumu, on a bien basé à Warrior, Solo, à Kenya. Solo, Warrior, Solo. Donc, Bango, c'est Moni Bango, donc, ça dit, Aigle, venez dans le mouton, les gars, t'es un grand soldat au Saranaki. La personne, c'est Rabi. Là-bas, Warrior, Nyonso. Alors, pour date Oyo. Bon, concert bon amour, concert de revoir. Ouais, le 19, non, le 20 octobre de cette année, Warrior, mon bazar, m'a revenu sur Mabou. Donc, entre au palais du peuple, là, Ndolo, tu vas voter dans mon corps. Tu vas à Ndolo, tu vas à concert mon corps. Ok. Tu vas au palais du peuple, tu vas à deux jours, le 19, non, le 20. Mais tu vas à Ndolo, tu vas à concert. Mais Fridolin, oui, Ndolo, on est entre nous. Ndolo, on est allé pendant que tu es mon frère entre nous. Parle un peu. Aigle. Aigle. Ndolo Bike. Warrior ba mystique Ndolo. Warrior ba partout. Tant n'est-ce moulaï bon Ndolo. Warrior ba zala partout. Warrior a partout. Warrior a partout. A partout dans le monde. A partout. Warrior a partout. Voilà. Merci beaucoup à Fridolin qui a répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, je remercie toutes ces personnes qui nous ont suivis. Mais avant cela, on peut ça juste quelques minutes, deux ou trois dédicaces à l'artiste. Il y a qu'on dédié émission à Bato Batalibiso Mokilimo Bimba. N'oubliez pas très surtout de vous abonner à la chaîne d'actualité Nabino. Cette émission, tout en fois actualité, est une émission Oyo. Bon, proposer Bissot, Bato, Toroyama, pour tomber ma solo à parcours Nabango, c'est une manière pour nous de soutenir l'artiste Nabissot. Fridolin, on a pu sur quelques minutes, deux ou trois personnes au Balandi Bissot dédié à mon émission à l'élo. Voilà, maintenant, on remercie nous à Yomoro de Makonde. Merci beaucoup. Vous avez fait un panangaï, voilà. Très loin, très loin. Donc, tu es venu à Moussika Makasi, donc merci parce que. Pour permettre à Warrior de talanga les sous à travers la chaîne Nayo, tout info. Donc merci beaucoup vraiment. Et puis, on fait ça, merci Mingi. Warrior, on est sur la Nangaï, dans l'émission sur nos salles. En tout cas, merci beaucoup. Vous les matez, vous continuez toujours au talangaï. Vous ne serez pas déçus. Et puis, on est sur le Baponanga, commentaires, tout ça. Ils ont commis l'angaï. Donc, merci vraiment. Là, je m'en vais vite fait. Na saluer le prophète Blaise Manzambi, mon papa Blaise Manzambi, ainsi que Vinanga Jean-Foumounzanza. Jean-Foumounzanza, Jagger Toukou, na famille Mobimba, Babik Salutation, Alain Business, Alain Baron Business, mon ami Arlan Mwanga Star, je reste Tungila. Mon frère, Junior McEnroe, là, on a vite fait, nous, à côté de nous, à Sarcelle Kuna, on a moni Christian Brozer, on a moni le colonel Braddock, on a moni RJ, on a moni Yves Duinit, ainsi que mon frère Guy Maka. Guy Maka, bah, big salutation, bientôt là, tous à la Wana, qui est ligandé tout ça, là. Massanangai, on est vite à Toto. Les boss, tellement ébellé. Fistombala. Fistombala. Maché Boulema. Petit Nangai Rike Kenzo Lubaki. Brenda Ngoy. Kaboué Cœur. Et puis Nisha Ngoy. Kaboué Chila Mouina. Merci. Merci Fridola Likompa. Cerveau maestro. Le cerveau monteur ouais. Maestro Fridola. Il va vraiment bien à monsieur le guitariste. Monsieur le guitariste. Tonto Arena, Barine, les Gébélés. Au bête, c'est combien d'arène au total? 5. Donc, il y a 25 arrières. Paris la Défense, Paris la Défense, Ovo, Wamile, Bordeaux, Lyon. Jusque-là, on aura 5. Donc, il y a 25 arrières. Jusque-là, on aura 5. Donc, la CV, on aura les lots. On aura 5 arrières dans la CV. Jusque-là, on aura 5. Jusque-là. Jusque-là. Donc, la série continue. La série continue, ce n'est pas encore fini. Et quand c'est ici, là, et ici, là, on est au Bétasco, c'est la Défense. Moi, tant que tu as ça, France. C'est peut-être trop clôturé par Arène à l'Estat de France. Alors, il faut donner vite fait, parce que les lots, tout le monde avait beau orchestre, c'est bel et bien dans le Congo. Hein. Alors, par rapport à la guitare, okay. Le temps où tu as différents orchestres, Moi, je me dis toujours, nous devons se retrouver déjà dans le groupe Moroboué et que le groupe Wana, parce que tu as un concert, tu as un studio, tu as bougé. C'est quand ça déjà bon. OK. C'est quand bon déjà. Mm-hmm. Donc bande de gnoso au ba better dans ma groupe, c'est que baza ba bon, baza ba bon. Mais on soupe ça que non pas ça peut bon te peut azo débrouiller peut. Il y a na litoy il y a grand guitariste au but. En tout cas, on a peine dans la grande. Bon, na litoy il y a guitariste expérimenté. Au voyez ba quand même parce que on a des guitares les noter. Ah oui, ah, oui, bon ba niveau qu'on a raté. Ba niveau qu'on a et qu'on a raté mais moi je pense que ceux qui m'ont abattu t'as déjà c'est que ça va, c'est que ça va. Et là je m'avais vite fait saluer petit Nangaï, mon frère Alfred Solo. Alfred Solo. Souvent là les gars qui chez eux babos à la soukounate Alfred. Alfred Solo donc Neymar Sinté. Ok. Neymar Sinté, Jimmy Bass, Romain Ascoca. Voilà. Babet à Moussala bien. Je dirais un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je ne répéterai de dire que ceux qui vont s'appeler dans l'émission, vous pouvez dire merci à Papa Titan qui est la réalisation, merci à Jordan Panzo qui est l'assistance, merci à Batnus Bolandi Bisso. Vous pouvez vous en que tant que vous êtes à l'émission, vous pouvez vous abonner. Alors, le numéro de téléphone de notre artiste est allé afficher au bas de votre écran si vous avez besoin personnellement de parler avec lui. T'es autre numéro là, nous sommes dans ça bien là. Vous sur la lettre on a. Numéro ça on a soit au Bengi Bisso. Vous bien gardez on a connu. T'as déjà mis en contact direct on a Fridolin et ça peut aussi arriver que Nengue l'Obama qui est victime ou t'as coupé la peine de le dire hier si on t'a Bengi pour la bombe ça va ça peut aller. Ben ouais oh mais oui. Quand on a ça on a malam on a bite là t'es belé et belé. Ok. Belé comme étant professionnel on a roulé bangote. Ouais. Bangote mais bah t'es belé bah ça on a. Et n'a pas si Mignon Abraham. Mignon Abraham. Ciao.